الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. Il a fait voyager son serviteur de nuit à partir de la mosquée sacrée de la Mecque vers la mosquée extrême dans la Palestine. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. عرج بحبيبه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى. Il a fait monter par ascension son bien-aimé vers les cieux les plus hauts jusqu'au point de le faire arriver au jujubier du terme. حيث لم يصل هناك قبله ولا بعده ملائكة ولا جن ولا آدميين. À ce point où personne n'est arrivé ni avant lui ou après lui parmi les anges, les génies ou les humains. وكلم هناك الحبيب حبيبه حتى فاض القلب المحمدي بنور الإيمان واليقين. Et là-bas, le bien-aimé a parlé avec son bien-aimé jusqu'au point que le cœur de Mohammed, prière et salut sur lui, a débordé par la lumière de la foi et de la certitude. Ya Rab, أحبك حبي حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. J'ai bi shari'ati al-asma, il était venu accompagné par la loi infaillible, wal mahajjati al-bayda, et par la voie claire. Sayyidi, amir al-anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujoum al-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel, wa rimal al-sahra, et au nom des sables du désert, wa awladi adama wa hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyu al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habibi muhammadin al-mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-mustafa, alayhi afdalu salati wa aska salam, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. Innana al-yawm fi 22 min shahri Rajab. On est aujourd'hui le 22 du mois de Rajab. Wa ghadan yabda al-usbu' al-akhir min hadha al-shahr. Et demain va commencer la dernière semaine de ce mois sacré. Wa hadha al-usbu' al-akhir, cette dernière semaine, يذكرنا برحلتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette dernière semaine nous fait rappeler deux voyages du prophète, prière et salut sur lui. الرحلة الأولى أرضية. Le premier voyage était un voyage terrestre. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. À partir de la mosquée sacrée vers la mosquée extrême qui se trouve à Jérusalem. والرحلة الثانية سماوية. Et le deuxième voyage était un voyage céleste. من المسجد الأقصى إلى ما بعد سدرة المنتهى. À partir de la mosquée extrême jusqu'au ou bien au-delà, vers au-delà du jujubier du terme. أتى جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له. L'archange Gabriel, prière et salut sur lui, est venu vers le messager de Dieu, prière et salut sur lui, pour lui dire, « Ya Rasoul Allah, innaka al-laylata mad'oun li ziyarati sama, au messager de Dieu, pendant cette nuit, tu es invité à visiter le ciel. Alladhi da'a huwa Allah, celui qui a invité fut Dieu. Walladhi du'iya huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a été invité fut le messager de Dieu, prière et salut sur lui. Walladhi ballagha ad-da'wa huwa aminul wahyi Jibril alayhi salam, et celui qui a transmis le message d'invitation fut le secrétaire général de la révélation, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. Hunaka Moussa alayhi salam huwa alladhi talaba ru'yat Allah, dans une autre situation, Moïse était lui qui a demandé à voir ou a demandé la vision de Dieu subhanahu wa ta'ala. Qala aw taqulu al-aya qala rabbi arini anzur ilayk. Le verset dit: mon Seigneur, donne-moi la force de voir pour que je te regarde. Anna huna fallah ta'ala wa tabarak huwa alladhi طلب رؤية محمد صلى الله عليه وسلم. Mais dans cette situation, c'est Dieu le Très-Haut qui a demandé à voir Muhammad, prière et salut sur lui. فالله هو الطالب, Dieu était le demandeur, wa Muhammad صلى الله عليه وسلم هو المطلوب, et Muhammad, prière et salut sur lui, fut le demandé. تقول الآية, le verset dit: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée extrême dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer quelques-uns de nos signes. Innahu huwa as-sami'ul basir. C'est lui l'audient et le voyant parfait. Alladhi asra bi'abdihi. Celui qui fit voyager de nuit son serviteur. ولم يقل الذي أسرى بروح عبده. Le verset n'a pas dit celui qui fit voyager de nuit l'âme ou l'esprit de son serviteur. فالإسراء والمعراج كان بالجسد والروح. Ça veut dire le voyage nocturne et l'ascension ont eu lieu par le corps, c'est-à-dire du prophète, prière et salut sur lui, et non pas par l'esprit. ولم يكن فقط بالروح, et ça veut dire ces deux voyages n'ont pas eu lieu uniquement par l'esprit du prophète, prière et salut sur lui, c'est l'esprit qui a voyagé, mais plutôt son esprit plus son corps. أي لم يكن رؤيا في المنام, ça veut dire ce miracle n'était pas un songe nocturne. أما لو كان رؤيا في المنام فلما كان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et dans le cas où ces deux voyages étaient simplement un songe nocturne, il n'aurait pas été à ce moment-là un miracle du prophète, prière et salut sur lui, parce que tout le monde peut voir des songes dans lesquels il peut voir qu'ils s'envolent dans le ciel. ومن كذب الإسراء ولم يؤمن به كان كافرا بإجماع المسلمين. Celui qui ne croit pas à ces deux voyages devient automatiquement un mécréant, et ceci d'après un consensus des musulmans. لأنه من كفر بآية صريحة من القرآن, parce que celui qui mécroit à un seul verset clair et net du Coran, ومن كفر بآية واحدة فقد كفر بكل الإسلام ولو صلى وصام. Donc celui qui mécroit à un seul verset clair et net, il devient automatiquement mécréant même s'il accomplit la prière et fait le jeûne. وركب النبي صلى الله عليه وسلم على دابة عجيبة. Et le prophète, prière et salut sur lui, a pris place sur une monture merveilleuse, ismuha al-buraq, appelée al-buraq. Ka'annaha al-barq, elle ressemblait dans sa vitesse à l'éclair. سرعتها أكبر من سرعة ضوء البرق. Sa vitesse était plus grande que la vitesse de la lumière de l'éclair. ورافق جبريل عليه السلام إلى المسجد الأقصى. Il a accompagné l'archange Gabriel vers la mosquée extrême à Jérusalem. والتف حوله الأنبياء. Et il a été entouré dans cette mosquée par tous les prophètes. وصلى إماما بهم. Et il a dirigé une prière comme imam devant et derrière lui il y avait tous les prophètes. ومن ورائه آدم وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم الصلوات والسلام جميعا. Et derrière lui il y avait Adam, Ibrahim ou Abraham, Moïse, Jésus et d'autres prières et saluts sur l'ensemble. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي ومشيئة الخالق البارئ وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يغتنم. وبعد تمام الصلاة après la fin de cette prière صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء. Le prophète prière et salut sur lui s'est élevé à côté de l'archange Gabriel dans le ciel. فاستقبله عدد من الأنبياء في السماوات. Il a été accueilli par plusieurs messagers dans les cieux. آدم عليه السلام في السماء الأولى. Adam prière et salut sur lui dans le premier ciel. وابن الخال يحيى وعيسى عليهما السلام في الثانية. Et les deux cousins Jean-Baptiste et Jésus, prière et salut sur les deux, étaient dans le deuxième ciel. ويوسف عليه السلام في الثالثة. Joseph était dans le troisième. وإدريس في الرابعة عليه السلام. Et Idris, que les prières et les salutations soient sur lui, était dans le quatrième. وهارون في الخامسة. Aaron était dans le cinquième. وموسى عليه السلام في السادسة. Moïse, prière et salut sur lui, était dans le sixième ciel. وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة. Et le père des prophètes, Abraham, prière et salut sur lui, était dans le septième. وعند سدرة المنتهى, là ou à côté du jujubier du terme, شجر فوق السماء السابعة, un immense arbre qui se trouve au-dessus du septième ciel, لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الرحلة جبريل عليه السلام. Le prophète prière et salut sur lui a perdu son ami, son compagnon de voyage, l'archange Gabriel, prière et salut sur lui. فقال يا جبريل أفي هذا المكان يترك الخليل خليله. أو جابرييل est-ce dans ce lieu que l'ami intime abandonne son ami intime. فأجابه جبريل عليه السلام. L'archange Gabriel prière et salut sur lui lui a donné cette réponse. يا محمد أو محمد إنك إذا تقدمت اخترقت. Si tu avances tu traverses. أما أنا إذا تقدمت احترقت. Mais en ce qui me concerne, si j'avance, je me brûle. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى العرش العظيم. Et le prophète prière et salut sur lui s'est déplacé jusqu'au point d'arriver au grand trône. طفت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة ذرية اللجوم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته كل نبي عند سمائه ويا محمد هذا العرش فاستلمي ونادى محمد صلى الله عليه وسلم. Et le prophète prière et sur lui a dit التحيات لله. بدأ يحيي الله تعالى وتبارك. التحيات لله والصلوات والطيبات. Les salutations sont faites pour Dieu سبحانه وتعالى. Ainsi que les prières et les bienfaisances. فحياه ربه. Et son Seigneur l'a salué. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. La paix est sur toi ô prophète, ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit السلام علينا. يعني علي أنا وإخوة الأنبياء. لم ينسى الأنبياء، السلام علينا من أنا ومعشر الأنبياء، ولم ينسى عباده عباد الله الصالحين من أمته وعلى عباد الله الصالحين. La paix est sur nous, ça veut dire moi et les prophètes, il n'a pas oublié ses frères les prophètes, et il a ajouté sur les vertueux serviteurs de Dieu, ça veut dire tous les vertueux de sa nation. Thumma qala, et après il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, huwa amam al-yaqin, huwa fi hadrat al-yaqin, ashhadu yaqinan. Et après il a dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu. Et Dieu lui a répondu, et j'atteste, je témoigne moi Dieu que Mohammed est son prophète et son messager. Les anges dirent à ce moment là, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ô notre Seigneur, salue Muhammad et les proches de Muhammad comme tu as salué Ibrahim et les proches de Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad et béni Muhammad et les proches de Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, exactement comme tu as béni Ibrahim et les proches d'Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid, et ceci dans les univers parce que tu es le glorieux et le louable. وفرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة. Et pendant cette nuit, Dieu a prescrit ou a commandé ou a rendu obligatoire la prière pour son prophète, prière et salut sur lui, et pour sa nation. فكانت في البداية 50 صلاة في اليوم. Au début, Dieu lui a dit 50 prières obligatoires par jour et nuit. Pendant 24 heures, 50 prières. 50 صلاه في 24 ساعه. وعند رجوعه قال له موسى عليه السلام, pendant le chemin du retour, Moïse prière et salut sur lui a dit, ان امتك ونقول شكرا لموسى عليه السلام. Et on dit là un grand merci à Moïse, prière et salut sur lui. قال له ان امتك لا تستطيع 50 صلاه كل يوم. Ô Mohammed, ta nation ne supporte pas 50 prières par jour et nuit. Wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablak. Et par Dieu, j'ai expérimenté les gens avant toi. Farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Reviens tout de suite vers ton Seigneur et demande-lui un allègement en faveur de ta nation. Faraja'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa wada'a Allah anhu 'ashran. Le prophète prière et salut sur lui est revenu tout de suite vers son Seigneur, qui lui a éliminé des prières, une remise de des prières. فقال موسى عليه السلام بقيت 40. فقال موسى عليه السلام مثل ما قال له في الأول. Et Moïse, une autre fois, lui a dit les mêmes arguments qu'auparavant. فرجع إلى الله فوضع عنه عشرا. Et le prophète prière et salut sur lui est revenu une autre fois vers son Seigneur, qui lui a éliminé des prières. وبقي هكذا يهبط عند موسى عليه السلام ويرجع عند ربه سبحانه وتعالى. Et il a continué ainsi, une fois descendre vers Moïse, prière et salut sur lui, et une fois remonter vers Dieu subhanahu wa ta'ala, hatta baqiyat khamsa salawat allati ta'rifoun, jusqu'au point qu'à la fin il y avait plus que 5 prières que vous connaissiez. Faqala lahu Moussa alayhi salam, à ce moment-là Moïse, prière et salut sur lui, lui dit, ummatuka la tastati' khams salawat kull yawm, wa sadaqa Moussa alayhi salatu wa salam. Il lui a dit, ta nation ne supporte pas 5 prières par jour. Et ce qu'a dit Moïse est vrai, parce que beaucoup de gens ont abandonné la prière. Et j'ai bien expérimenté les gens avant toi. Reviens vers ton Seigneur et demande-lui d'alléger la prière pour ta nation. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit à ce moment-là, سألت ربي حتى استحييت, j'ai fait plusieurs demandes à mon Seigneur jusqu'au point où je n'ose plus par pudeur. فكانت هدية من الله تعالى لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. Et c'était un grand cadeau de la part de Dieu pour son bien-aimé Muhammad, prière et salut sur lui. خمس صلوات في العمل, cinq prières en acte ou dans l'action, وخمسون في الأجر, mais équivalent auprès de Dieu 50. Nous on fait seulement 5, mais auprès de Dieu c'est compté comme 50 prières, لأن الحسنة بعشر أمثالها, parce que dans la religion d'Islam, la bonne action est comptabilisée par 10. Et 5 fois 10, ça fait 50. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته, après cette grande visite du ciel, le prophète, prière et salut sur lui, est revenu chez lui. فوجد الفراش الذي كان نائما فيه قبل الرحلة ما يزال دافئا كما تركه. Et il a retrouvé le lit sur lequel il dormait encore chaud, comme il l'a laissé, comme s'il s'est absenté pendant quelques minutes ou quelques secondes. وفي الصباح يسأل أبو جهل فرعون هذه الأمة. Le lendemain, Pharaon, le pharaon de cette nation, Abu Jahl, a interrogé le prophète, prière et salut sur lui. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أنزل عليك هذه الليلة يا محمد. Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation pendant cette nuit, ô Muhammad? سؤال تهكم وسخرية. Une question pleine de mépris et de moquerie. فقال صلى الله عليه وسلم, il a répondu, prière et salut sur lui, لقد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قال الزيادة ومن المسجد الأقصى إلى السماء, لأنه إذا لم يؤمن بالسفر الأرضي فلن يؤمن بالسفر السماوي. Il lui a dit, on m'a fait voyager de la mosquée sacrée vers la mosquée extrême, mais il n'a pas dit de la mosquée extrême vers au-delà du septième ciel, parce que Abu Jahl, dans le cas où il ne croit pas au voyage terrestre, il ne va pas non plus croire au voyage céleste. Faqala Abu Jahl lui a dit, هل عدت في نفس الليلة, es-tu revenu chez toi dans la même nuit? قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. Le messager, prière et salut sur lui a dit oui. قال أبو جهل, أبو جهل lui dit, إن الجمال تقطعها شهرا جيئة وشهرا ذهابا. Les chameaux font un mois pour l'aller et un mois pour le retour. وأنت في ليلة واحدة, et toi tu as fait ce voyage pendant une seule nuit. وبدأ بعض المؤمنين ضعفاء الإيمان بالعودة إلى الكفر. Et quelques croyants, quelques musulmans qui avaient une faible foi ont remplacé leur religion d'islam par la mécréance. Ils sont revenus vers la mécréance et abandonné l'islam. وكذبت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. Et Quraysh ont démenti, n'ont pas cru à ce qu'a raconté le prophète, prière et salut sur lui. وذهب أبو جهل إلى أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر. Et Abu Jahl, tout de suite, il est parti voir la personne la plus proche du prophète, prière et salut sur lui, Abu Bakr. فقال له يا أبا بكر أو ما سمعت ما يقول صاحبك. Oh Abu Bakr, tu n'as pas entendu ce que raconte ton ami? وأراد أبو جهل أن يكفر أبو بكر. Abu Jahl cherchait à rendre mécréant Abu Bakr. فقال أبو بكر, Abu Bakr lui a dit, ماذا يقول صاحبي? Que dit-il, c'est-à-dire mon ami? قال يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى بلاد الشام. Ton ami prétend qu'on lui a fait voyager de la mosquée sacrée vers la Sichem, vers la Syrie, la Palestine, etc. قال أبو بكر. Abu Bakr lui a donné cette réponse douce et ferme. أو قد قال ذلك. A-t-il dit ceci? قال عمر. نعم. Abu Jahl a répondu oui. قال أبو بكر. À ce moment-là, Abu Bakr lui a dit, إن قالها فقد صدق. S'il l'a dit, donc c'est que c'est vrai. والذي بعث محمدا بالحق. Par celui qui a envoyé Muhammad par la vérité, لو أنه أخبرني بأنه عرج به إلى السماء لصدقته. Même s'il m'informe qu'on lui a fait une ascension vers le ciel, je le croirai. ومن هنا يحصل أبو بكر على وسام الاستحقاق فيسمى الصديق. Et là أبو بكر a eu avec mérite la médaille, ou bien a eu la médaille de mérite, c'est la croyance par excellence. Il était excellent, il a touché l'excellence par sa croyance soumise à Siddiq. وتقول قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم. Quraysh a dit au prophète, prière et sur lui, in kunta dhahabta ila al-masjid al-aqsa fasifhu lana. In kunta min as-sadiqin. Si vraiment tu as visité la mosquée extrême, décris-nous cette mosquée. Wa kana safar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil-layl. Et le voyage du prophète, prière et sur lui, a eu lieu pendant la nuit. Il ne se rappelait pas comment était la ville sacrée ni la mosquée sacrée. فكيف يصف? Comment allait-il la décrire? وتدخلت عناية الله. Et là, la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala est intervenue. وظهر المسجد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et la mosquée extrême est apparue devant les yeux du prophète, prière et sur lui. هو ينظر إلى المسجد وإلى ما حول المسجد والكفار لا يرون شيئا. Lui, il était en train de voir la mosquée devant lui, les alentours de la mosquée, et les mécréants ne pouvaient rien voir. ويصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. Le prophète a bien décrit la mosquée extrême et la ville de Jérusalem, نافذة نافذة, fenêtre par fenêtre, وبابا بابا, porte par porte, حتى كأنه يقف في ساحته, comme s'il était debout dans la cour de la mosquée extrême. فماذا قال المشركون? Qu'est-ce qu'ils ont dit, ça veut dire les associateurs, à la suite de cette réponse? قالوا أما الوصف فإنه صادق. En ce qui concerne la description, elle est correcte et juste. وأما الوصف فإنه كذاب. Mais le descripteur est un grand menteur. فهذه باختصار شديد قصة إسراء ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. C'était là avec beaucoup de résumé l'histoire du voyage nocturne et de l'ascension du prophète, prière et sur lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci serviteur de Dieu, هذه الآية الكريمة تكلمت للمسلمين عن معجزة وعن بشارتين. Le verset coranique que nous avons lu au début de ce cours, ou de ce prêche, a parlé d'un miracle et de deux bonnes nouvelles. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée vers la mosquée extrême. Al-mu'jiza هي الإسراء, أن الآية تقول فعلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى به ربه ليلا, تصدق النبي صلى الله عليه وسلم. Le verset ou le miracle réside dans la confirmation de Dieu subhanahu wa ta'ala du voyage nocturne de son serviteur. Dieu a confirmé ce voyage. والبشارتين, البشارة الأولى, mais en ce qui concerne les deux bonnes nouvelles, la première, أن البيت الحرام سيصبح مسجدا في المستقبل. La première bonne nouvelle, c'est que cette maison sacrée, la Kaaba, deviendra par la suite ou dans l'avenir une mosquée. À l'époque, elle n'était pas une mosquée. يعني تصير مسجدا للمسلمين, elle deviendra une mosquée pour les musulmans. وسيفتحونه, ça veut dire les musulmans vont conquérir cette Kaaba ou cette maison sacrée. لأنه الآن مليء بالأصنام, parce que à l'époque de la révélation de ce verset, la maison sacrée était pleine d'idoles. والثانية أو والبشارة الثانية, la deuxième bonne nouvelle, أن القدس C'est que Jérusalem deviendra une mosquée pour les musulmans après sa conquête. Et à l'époque, Jérusalem était aux mains des Byzantins. Et les Byzantins étaient une grande puissance imbattable. Et Dieu a couplé la mosquée sacrée avec la mosquée extrême. بأنه لا فرق بين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي جاء به الأنبياء في بيت المقدس إنما هو تتمة له. Ce Dieu a couplé les deux mosquées dans un même verset pour dire qu'il n'y a aucune différence entre l'islam par lequel a été envoyé Mohammed, prière et salut sur lui, et la religion de tous les prophètes qui étaient envoyés à côté de la de Jérusalem ou dans Jérusalem, mais plutôt l'islam n'est que la continuité logique de la religion qui avait lieu à Jérusalem. والدليل أن الأنبياء كلهم صلوا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. L'argument, c'est que tous les prophètes ont fait la prière derrière Mohammed, prière et salut sur lui, à Jérusalem. Et Dieu a honoré sa promesse faite aux musulmans, et cette première promesse s'est concrétisée, s'est réalisée fi sanat thamina lil hijra, en l'an 8 de l'Hégire. فتح المسلمون بإذن الله المسجد الحرام وطهره النبي من كل الأصنام. Les musulmans ont conquis la maison sacrée et l'ont transformée en mosquée, et Dieu a purifié ce lieu de toutes les idoles qui étaient au nombre de 360. Il détruisait les idoles et il disait, prière et salut, ce verset coranique, voici venu le vrai et voici disparu le faux ou bien le caduc. Et en l'an 15 de l'Hégire, il y a eu la concrétisation de la deuxième promesse divine, qui était la conquête de la ville sainte de Jérusalem. C'était à l'époque de Omar, fils de Khattab, que Dieu soit satisfait de lui. Le patriarche de la ville sainte a dit, إننا لا نعطي المفاتيح إلا لعمر. On ne peut donner les clés de cette ville qu'à Omar. وأرسل قائد الجيوش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في المدينة فجاء على ناقته. Et le commandant des armées musulmanes, Abu Ubaida, fils de Jarrah, que Dieu soit satisfait de lui, a envoyé pour demander la venue de Omar qui était à Médine. Et il est venu sur sa chamelle. Son chemin était barré par un petit lac. Le calife est descendu de sa monture et marché sur ses pieds avec ses souliers au cou, à côté de son cou. Et il a traversé à côté de sa chamelle ce lac. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أبو عبيدة le commandant des armées musulmanes a dit ما يسرني أن أهل المدينة مدينة القدس يستشرفونك على هذا النحو. Ça ne me fait pas plaisir, ça ne me plaît pas de te voir ou que les gens de Jérusalem te voient sous cet état. لأنه يعرف بأن أهلها يعطون قيمة للمظاهر. Parce qu'il savait que les gens de Jérusalem donnaient beaucoup d'importance à l'aspect extérieur. كالرومان الذين خالطوهم لعدة قرون. Exactement comme les Byzantins qu'ils ont côtoyés pendant plusieurs siècles. فماذا قال عمر؟ Quelle a été la réponse de Omar؟ قال له. Il lui a dit ويحك يا أبا عبيدة. لو غيرك قالها. Malheur à toi, ô Abu Ubaida, si c'était un autre que toi qui a prononcé cette phrase, la ja'altuhu nakalan li ummat Muhammad, j'allais lui donner une punition sévère. Laqad kunna adalla an-nas. Hatta a'azzana Allah bil Islam. On était parmi les plus humiliés parmi l'humanité jusqu'à ce que Dieu nous a donné, nous a honoré par l'Islam. Famahma btaghayna al-'izzata fi ghayrihi adallana Allah. Et tant qu'on va chercher l'honneur en dehors de l'Islam, Dieu va nous rendre de nouveau humiliés. ويجب أن نفهم هذه الكلمة العمرية ويجب على أمة الإسلام أن تفهم هذه الكلمة العمرية et toute la nation de l'Islam depuis Omar jusqu'à la fin des temps doit comprendre cette parole omarique. Si on cherche l'honneur en dehors de l'Islam, Dieu va nous rendre de nouveau humiliés. ودخل عمر بيت المقدس. Omar par la suite est entré dans la maison sainte متواضعا لربه, modeste devant son Seigneur, très humble. La yalbasu thiyab marichal wa la général. Il ne portait pas les habits d'un maréchal ou d'un général. Wa la yamshi ala bisatin ahmar. Il ne marchait pas sur un tapis rouge. Bal dakhala fi libasihi al-adi. Il est entré avec ses habits ordinaires de Médine. Wa alayhi sab'atu ashara ruqah. Et il portait des habits rapiécés 17 fois. Wa dakhala mashiyan wa ghulamuhu rakiban. Il est entré à pied, marchant à pied, et son serviteur à cheval. قال البطريق, le patriarche lui dit, هكذا قرأنا أن الذي يتسلم مفاتيح المسجد الأقصى يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكبا. Ainsi nous avons lu que celui qui prendra les clés de la mosquée et ou de la ville sainte entrera à pied et son serviteur à cheval. وَسَلَّمَهُ الْمَفَاتِيحِ. Il lui a donné les clés. وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ. Le moment de la prière arriva. وَهُمْ فِي الْكَنِيسَةِ. Ils étaient à l'intérieur de l'église. فَقَالَ الْبَطْرِيكِ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Le patriarche dit à Omar, que Dieu soit satisfait de lui, صَلِّ حَيْثُ أَنْتَ. Fais la prière là où tu es maintenant. قَالَ عُمَرَ. Omar lui dit, là, non, لو صليت هنا, لوتب المسلمون على المكان. Dans le cas où je fais ma prière ici, les musulmans après moi vont sauter sur cet endroit. وقالوا هنا صلى عمر. Et ils vont dire, là, Omar a fait la prière. Et ils vont faire de cette église une mosquée. وأخذوا الكنيسة منكم. هذه هي السماحة الحقيقية الإسلامية. Telle est l'ouverture ou la vraie tolérance musulmane. ودخل عمر إلى المسجد الأقصى من حيث دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. Et Omar est entré de la même porte ou par la même porte que celle par laquelle est entré le prophète prière et sagerie pendant le voyage nocturne. فكان الثاني مسلم يدخل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Et il fut le deuxième musulman à entrer après le messager de Dieu prière et sagerie. فهل أخذه الكبر والغرور؟ Est-ce qu'il était saisi dans ces moments par l'orgueil ou la vanité? هل قام بصخرة راقصة حتى مطلع الفجر؟ A-t-il organisé une soirée dansante jusqu'à l'aube pour célébrer la victoire? فرحا بهذا النصر لقد خر ساجدا لله. Il s'est rapidement prosterné devant Dieu, sujoud ash-shukr, une prosternation de remerciement, wa huwa yabki, en pleurant. Ma yabkika ya Omar, qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Omar? Qal, il a répondu, akhsha an tuftaha alaykum ad-dunya, j'ai peur que les portes des biens de la vie ici-bas vous soient ouvertes. فَيُنْكِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيُنْكِرَكُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِكَ. Et à ce moment-là, les uns de vous ne reconnaissent plus les autres, et par la suite, le ciel ne vous reconnaîtra plus. رَجُلٌ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. Un homme qui voyait avec la lumière de Dieu. تَرَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ مَا لَا تَرَاهُ أَعْيُنُ النَّاظِرِينَ يَا أَخِي طَهِّرْ قَلْبَكَ تَرَى الْحَقَّ شِمَالًا وَيَمِينًا. وَضَاعَتِ الْقُدْسُ فِي سَنَةِ 492 Hijriya, et cette ville où la mosquée extrême ou Jérusalem était perdue de la main des musulmans en l'an 492 de l'Égypte, et après 91 ans d'occupation par les croisés, il est arrivé صلاح الدين الأيوبي صلادان ou صلاح الدين الأيوبي فحررها من الصليبيين. Et il a libéré la mosquée et la ville des mains des croisés, wa ba'd al-intisar, après la victoire, nazala min fawq farasi, il est descendu du haut de son cheval, ila al-ardi sajidan lillah, pour se prosterner sur le sol devant Dieu subhanahu wa ta'ala, thumma jama'a al-ghubara min al-ard, et après il a ramassé quelques poignées de terre du lieu de la bataille, wa awsa an yakuna ma'ahu fi qabrihi. Pourquoi tu fais cela, ô Salah ad-Din? Il a dit, pour que cette poignée ou ces poignées de terre soient mises avec moi dans ma tombe. Hatta idha husibtu qultu lil malaika, comme ça pendant le jugement je vais dire aux anges, hadha al-ghubar kana fi sabilillah, cette poussière ou cette terre était pour Dieu. Wa ja'a zamanuna, et notre époque est arrivée, wa da'at al-quds منذ حرب 1967, et à notre époque, la mosquée et la ville sacrée ou la mosquée extrême étaient perdues de nouveau en l'an 1967. نسأل الله تحريرها وإعادة الأمن والسلام لأهل فلسطين. On demande à Dieu de la libérer et de redonner la paix et la tranquillité aux Palestiniens. الدرس الثاني الذي نستخلصه من الإسراء والمعراج, la deuxième leçon qu'on peut tirer de ce voyage nocturne et de ce voyage d'ascension, هو هدية الصلاة, et le cadeau de la prière. كل الفرائض فرضت في الأرض, toutes les recommandations, les obligations ont été révélées sur la terre, ça veut dire dans la Mecque ou bien à Médine. إلا الصلاة, à part la prière, ففرضت في السماء, elle a été recommandée ou prescrite dans le ciel, من غير واسطة جبريل عليه السلام, sans l'intermédiaire de l'archange Gabriel, ومباشرة بين الله وبين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم, et directement entre Dieu et son bien-aimé Mohammed. Prière et salut. وهذا يبين قيمة الصلاة وأهمية الصلاة. Et ceci montre la grande importance de la prière et la grande valeur de la prière en islam. فمن أقامها فقد أقام الإسلام. Celui qui l'accomplit, il aura renforcé son islam. Il a accompli l'islam. ومن تركها فقد ترك الدين. Et celui qui l'abandonne aura abandonné la religion. فالصلاة هي معراج كل مؤمن إلى ربه. La prière normalement constitue une ascension individuelle pour chaque musulman. Ça veut dire chaque musulman peut faire une ascension vers Dieu pendant la prière. تستطيع أن ترقى بالصلاة إلى الله يوميا خمس مرات يعني في اليوم. Tu peux, mon frère ou ma sœur, grâce à la prière, faire ta propre ascension cinq fois par jour vers Dieu. هذه الصلاة التي تنتزعك من دنيا الناس, cette prière qui te prélève, qui t'enlève de la vie des gens, من دنيا الغفلة, de la vie de la distraction, إلى حيث تقف بين يدي ربك, jusqu'au point où que tu t'arrêtes devant ton Seigneur, تنجي, pour lui parler, وتستعينه, pour demander son aide, وأبوابه أمامك مفتحة, et les portes de Dieu sont devant toi ouvertes. فاحتفالنا بذكرى الإسراء والمعراج إنما هو في الحقيقة احتفال بذكرى مولد الصلاة علينا. Donc en quelque sorte, le fait de célébrer l'anniversaire du voyage nocturne et de l'ascension, en réalité ce n'est qu'une célébration de l'anniversaire de la prière. ولكن مع الأسف, mais malheureusement, تأتي هذه الذكرى كل سنة, malheureusement cet anniversaire revient chaque année, tous les ans. فتجد كثيرا من المسلمين قد فرطوا في الصلاة أو ضيعوا الصلاة. Et cet anniversaire, lorsqu'il revient chaque année, trouve que beaucoup de musulmans, soit ils ont interrompu, coupé avec la prière, ou ont négligé la prière, كما قال الله, exactement comme Dieu l'a dit dans un verset coranique, فخلف من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Il leur succéda une mauvaise progéniture qui délaissèrent la prière et suivirent les désirs. Ils trouveront devant eux certes malheur et perdition, ça veut dire en enfer. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بالصلاة ومن المقيمين للصلاة. اللهم إني داعٍ فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم أن تجعلنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا من الذين يتمسكون بالصلاة. اللهم اجعلنا من مقيم الصلاة. اللهم اجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتمسك بالصلاة. اللهم لا تجعلنا من الذين يضيعون الصلاة، ولا تجعل من أولادنا ولا من ذريتنا من يضيع الصلاة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يذكرك في الصلاة ولا ينساك، ولا تجعلنا من الذين ينسونك حتى داخل الصلاة. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تحرر المسجد الأقصى. اللهم حرر في أقرب الأوقات المسجد الأقصى. اللهم رد لسكان فلسطين السلم والأمان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع النقم وارفع المحن عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب بلغ صلاتنا وسلامنا إلى إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.